L'actualité à Nancy et ailleurs. Une soirée pour découvrir ou redécouvrir le réseau associatif étudiant, c'est ce mardi 16 octobre de 18h30 à 21h30 à la Plantation, 8 rue Raymond Poincaré à Nancy. Un rendez-vous porté par AnimaFac. Et pour nous parler d'AnimaFac, nous avons au téléphone deux personnes, Robin et Christian. Bonjour. Bonjour. Donc avec vous, on va découvrir un peu plus ce qu'est AnimaFac. On va commencer avec Robin qui, lui, est coordinateur d'AnimaFac pour le Grand Est. Présentez-nous un peu ce qu'est AnimaFac. Alors AnimaFac, c'est un réseau national d'associations étudiantes. On est présent sur tout le territoire et notamment à Nancy. On a pour vocation d'aider les associations au quotidien dans leur gestion associative. On a plusieurs ressources pour cela. Le premier des moyens, c'est justement un site en ligne avec plein de ressources sur avec des fiches thématiques, des guides pratiques pour aider les associations dans leur gestion associative. Ensuite, on organise aussi des événements pour justement faire rencontrer les associations entre elles et qu'elles se créent. Et enfin, on crée des formations dans toute la France sur la gestion associative avec des thématiques comme la communication ou alors comme le moyen de financement des associations. Voilà, ça fait longtemps que ça existe, AnimaFac ? Alors, AnimaFac, ça existe depuis 22 ans maintenant. Et votre rôle, donc, vous, c'est de coordonner un peu tout ce réseau pour le Grand Est ? C'est ça. En fait, on a découpé le territoire en 5 grandes régions. Moi, je m'occupe du Grand Est, donc ça va de Besançon jusqu'à Lille en passant par Nancy, Metz ou encore Reims. Et en fait, notre objectif, c'est justement de faire le relais entre l'Arsenal, qui est le lieu où on travaille à Paris, avec tous les services civiques sont animateurs réseau, animatrices réseau dans chaque ville de France. Et vous-même êtes service civique ou vous êtes salarié de AnimaFac ? Oui, je suis salarié. On a une politique à AnimaFac qui permet d'être embauché en CDI pour les coordinateurs territoriaux. On est en tout une quinzaine de salariés à Paris. Et donc Christian, qui est à vos côtés, lui est donc service civique. Il a pris ses fonctions récemment, je crois. Bonjour Christian. Bonjour Yves. Oui, tout à fait, c'est service civique en animateur réseau à Nancy. C'est quoi le boulot d'un animateur réseau d'AnimaFac sur Nancy, notamment ? De trouver les associations étudiantes, en fait, et de les accompagner au jour le jour, que ce soit par en leur proposant justement les fiches techniques, les guides techniques, ou simplement organiser de l'interassociatif avec d'autres associations ou des formations. Voilà, alors sur Nancy, vous faites le lien avec ces associations, vous en avez combien sur Nancy à suivre comme ça ? Grosso modo, il y en a une centaine de référencés sur l'outil d'AnimaFac. Après, vu que j'ai pris la fonction que depuis septembre, j'ai contacté pour l'instant, je dirais, une vingtaine, une trentaine. Tout un travail donc de faire ce lien, de recontacter tout le monde, d'autant plus qu'avec des étudiants, eh bien, ça change un peu tous les ans. D'où peut-être ce rendez-vous qui va avoir lieu mardi prochain, mardi 16 octobre à 18h30 à la Plantation à Nancy, rue Raymond Poincaré. Une rencontre interassociative. C'est l'occasion justement des associations que j'ai déjà rencontrées ou même celles qui connaissent AnimaFac ou qui ont juste vu ça sur les groupes étudiants de Facebook, de venir, de se rencontrer entre elles, d'apprendre plus sur AnimaFac, que AnimaFac en apprenne plus sur elles aussi, créer de la cohésion entre les associatives. Et ce rendez-vous s'adresse à qui en priorité ? Ça vise plus les associatifs étudiants, oui. Mais après, on peut être simplement étudiant et intéressé par la mathématique en fait, de l'associatif parce qu'on ne sait pas comment que ça se déroule ou parce qu'on ne pense pas avoir le temps, mais on peut tout à fait venir. Et même si on n'est pas étudiant, qu'on est associatif, qui a une vision assez jeune de l'associative, ils peuvent tout à fait venir aussi. Par exemple, un étudiant qui ne saurait pas où se diriger aussi, vers quelle association se diriger, est-ce qu'il peut passer par vous pour être orienté vers telle ou telle association ? Est-ce que les associations font appel à vous pour faire des appels à bénévolat ? Tout à fait. Les étudiants qui chercheraient à obtenir des informations, comme vous dites, ils peuvent tout à fait passer par nous. Et les associations proches du réseau d'AnimaFac peuvent aussi passer par nous pour chercher des bénévoles. Alors comment on fait pour vous contacter ? Alors on peut bien sûr venir vous rencontrer notamment mardi prochain à 18h30, mais sinon bah, on vous retrouve je suppose sur les réseaux sociaux, sur un site internet, comment on fait ? D'abord pour la réunion, la rencontre interasso, j'ai mis en place un formulaire justement pour savoir à peu près qui viendrait. Mais sinon pour me contacter, on peut passer soit par la page Facebook AnimaFac Nancy, soit par le site internet, vu que là, il y a mes coordonnées téléphoniques et mail, en fait. Très bien, et comme ça, on peut suivre, vous contacter et suivre l'actualité d'AnimaFac et de voir tous les autres rendez-vous que vous pourrez proposer au cours de l'année. C'est bien ça ? C'est ça, et moi, je me permets de rajouter, le site est vraiment facile à trouver, puisque c'est animafac.net. Et là, vous avez plein de ressources et tous les contacts de nos animateurs réseau et animatrices réseau ensemble. Eh bien, Robin et Christian, merci beaucoup pour tout ça. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup. L'actualité à Nancy et ailleurs. C'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.